Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, l'émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir et bienvenue à CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terra Incognita avec Bruno Côté à la mise en onde, Jean-François Lamarre à l'animation et France Carrier. Bonsoir France. Bonsoir. Et bonsoir Bruno. Il me fait un signe de la main. Donc encore ce soir, on a plein de nouveautés et de choses plus vieilles mais dignes d'intérêt. En ce beau soir de concert de Madonna. Félicitations pour ceux qui aiment mieux écouter de la musique progressive, mais vous pouvez nous écouter aussi en podcast. Je vous rappelle que c'est disponible à CKRL sur le site internet de CKRL. Et d'ailleurs, on est à CKRL, on est en campagne de pré-financement, en fait de pré-membership. Et vous pouvez avoir tous les détails sur le site internet de CKRL. Il y a différentes façons d'acheter une carte de membre. C'est une façon de soutenir la station, la plus vieille station francophone en Amérique du Nord. Et bon, on pourrait commencer tout de suite, comme il faut, par un groupe ukrainien. En fait, c'est pas tout à fait un groupe, c'est Anthony Kalugin. Et parmi un de ses nombreux projets, il y a Carphagène. Carphagène qui en est rendu, si je compte bien, à 4 albums. En plus, c'est le Monsieur Sunchild aussi. Et ça fait beaucoup d'albums qui nous sortent comme ça, là, à 2-3 par année. Celui-là, ça s'appelle Lost Symphony. Il y a quelques temps, en fait, à la dernière émission, j'avais mis une pièce de Sunchild. Et il y en aura une du nouvel album qui s'appelle Isolation. Donc, on va y aller avec Carphagène et ce sera suivi d'un groupe, je pense que tu aimes bien, France, Alain Melman Vassara. Ah oui, c'est un groupe que j'ai découvert au Nirfest en 2003. Ah oui, ça a été tout un choc de voir ça. Des violoncelles avec de la distorsion, un tromboniste, un saxophoniste, pas de guitariste. Un grand choc. Et ce sera suivi aussi d'un groupe qui est assez bien connu ici, c'est-à-dire Panic Room, qui nous sort un nouvel album un peu plus audacieux, moins pop. C'est un groupe qui est formé d'anciens Mosleyotan, un groupe qu'on aime bien, mais qui a pris une drôle de tangente, et de Karnataka. Et finalement, ce premier bloc va se terminer sur Rush, qui nous a sorti un très bel album qui s'appelle Clockwork Angel. Donc, on commence tout de suite à Carphagène, puis on fera une récapitulation de tous les titres une fois qu'on se sera mis ça dans les oreilles. We'll be right back.

spot. It's just an empty room. Nothing here to keep you, but you can't move. Tripping through the space, forgotten how it's quiet in another place. You're finding what you need, wishing you could stay. House is full tonight. Show is nearly ready to dim the lights. They're calling you back down. It's time to pull this act around. We'll be right back. is one of many possible worlds. All for the best, or some bizarre test. It is what it is, and whatever. Time is still the infinite jest. The arrow flies when you dream. The hours tick away, the cells take away. The watchmaker keeps to his schemes. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily gained. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily burned. In the fullness of time, a garden to nurture and grow to. Stars go spinning, spinning round the night. Oh, it is what it is, and forever. Each moment a memory in flight. The arrow flies while you breathe. The hours tick away, the cells tick away. Watchmaker is time up his sleeve. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and despair. So hard to earn, so easily burn. Let the fullness of time a garden to treasure of a life is a measure of love and despair. The way you live, the gifts that you give, in the fullness of time is the only return that you will expect. Disappears into memory with only a moment between. Forever dwells in that moment. Hope is what remains to be seen. Forever dwells in that moment. What remains to be seen. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Auditrice, auditeur de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Procurez-vous votre carte de membre au coût de $25 d'ici le 7 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de $200. Le tirage aura lieu à 20h lors de notre journée de lancement, le vendredi 7 septembre dès 17h dans nos studios au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici trois manières pour renouveler votre carte ou devenir membre. A. Présentez-vous au 405 3e avenue Québec, G1L 2W2. B. Nous contactez par téléphone au 418 640 2575, poste 201. C. Par le biais du service sécurisé PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour un an à la date d'adhésion. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de systèmes de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avidjam.com. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous sommes de retour à la dernière émission de la saison d'été de Terra Incognita. Et je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Bruno, Jean-François et France. Et bon, j'avais dit qu'on referait le tour des pièces qu'on a fait jouer. Donc, on a terminé avec du Rush de l'album Clockwork Angel qui est paru il y a quelques semaines. La pièce qu'on a entendue, c'est The Garden. C'était précédé de Panic Room de l'album Skin avec Tightrope Walking. Et Allemalmann Vassarat juste avant avec l'album Valta. Et Norsu Valjako. Hein, c'est pas pire, hein? Carphagène avec Lost Symphony de Cosmic Frog and the Beast. Et tantôt, dans le prochain bloc, France va nous faire un petit tour d'horizon des concerts à venir, soit à Québec ou à Montréal. Mais il y en a un qui est un petit peu particulier pour nous autres, c'est The Watch Play Genesis. Pardon? J'ai dit après. Après? Mais celui-là, on en parle un peu plus. Là. Donc, ils vont nous faire A Trick of the Tail et Wind and Watering, chantés façon à Peter Gabriel. C'est des disques qui étaient chantés par Phil Collins, mais là, ils vont nous faire ça. C'est une façon un petit peu originale. Ils jouaient de façon années 70. C'était à Saint-Le-Bourgneuf et il y a deux concerts, les 22 et 23 novembre. À 20h, les billets sont en vente à la salle de Bourgneuf et sur Biotech, évidemment. Shadow Circus va assumer la première partie les deux soirs. Et bon, pour les connaisseurs, ça va être différent d'un soir à l'autre. Ils joueront pas nécessairement les mêmes pièces. Il va y avoir un peu de The Watch et des pièces de Genesis de la façon que je l'ai mentionné. Je parlais tantôt de Carphagène. On va écouter une autre pièce de Anthony Kalugin, mais cette fois-là avec le groupe Sunchild, avec un album qui est paru dans le courant du printemps. Et cet album-là s'appelle Isolation. On va entendre la pièce Isolation Part 4. On va entendre aussi Saga, d'un nouvel album qui s'appelle 20 sur 20. Et le titre, tu t'en rappelles-tu, France? Il t'avait frappé un peu. Six Feet Under, oui. Six Pieds sous terre. Six Pieds sous terre, comme la série télévisée. Ben oui, ça commence bien. Hein. Et ce premier bloc, ce deuxième bloc va se terminer avec Crippled Black Phoenix, avec un album assez bizarre qui s'appelle Mankind de Crafty Ape, entendre The Earth of Every Country. Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre en onde à 640-1586. So dry with the longing look, swallow up the sky. I feel like fish so strong, please be the first and say just one to me. Don't isolate yourself from love. wandered quite a ways. Remove our shred of doubt, only the truth remains. If I read between the lines, the expression on your face, just remove our shred of doubt, and the truth remains. Help you

CKRL 89.1, Québec. Attention, call people. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Vendredi 7 septembre, c'est le dévoilement de la programmation 2012-2013 à CKRL. On vous a préparé toute une soirée. 17h, dévoilement de notre mural en studio. À 17h30, venez vous déhancher sur la musique reggae de DJ Bigou. Dès 18h30, on vous présente les animateurs de la saison et à 20h, émission spéciale devant public de Rue d'Auteuil animée par Michel Dubois avec prestations de Martin Plamondon et le Friday Night Shuffle. On vous attend en grand nombre entre 17h et 22h au 405 3e Avenue. Le dévoilement de la programmation de CKRL, passez-nous voir, on n'est pas sorteux. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, l'émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Déjà à mi-parcours à l'émission Terra Incognita à CKRL 89.1. Et si on y va dans l'ordre, le dernier groupe qui est passé, c'est Crippled Black Phoenix. Et on avait le nouvel album de Saga juste avant. C'est pas mauvais. Je pense que c'est un album qui s'inscrit assez bien dans la carrière de Saga. C'est pas peut-être pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Et on avait débuté avec Sunchild. Et je pense que c'est le temps de parler des concerts, France. Tu veux nous... j'avais parlé de Montréal tantôt, mais finalement, ça va être juste Québec. Je voyais à ta liste, là, je pensais que... Vas-y. Au Centre d'art La Chapelle, le 4 octobre, c'est Red Sen. Le 18 octobre, Tarkus Live. Le 13 février, David Mayer's Play Genesis. Tout ça, c'est à Chapelle? Tout à Chapelle. Ouais, ça va être actif. Au Cabaret du Capitole, le 11 octobre, c'est Asia. Au Palais Montcalm, le 5 octobre, Three Friends en première partie à Madriad. Et comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, à la Seine-le-Bourgneuf, le 22-23 novembre, The Watch. Eh oui, et on a oublié de spécifier Peter Gabriel. Qui est en septembre, mais je me souviens plus de la date. Je crois que c'est le 11. Et on va continuer en musique avec Squawkett. Comme on se doute un peu avec un nom comme ça, c'est Chris Squire et Steve Hackett qui ont décidé de faire un disque ensemble. En réalité, c'est Chris Squire qui, il y a 4 ans, qui travaillait sur un disque et cherchait un guitariste. Steve Hackett s'est présenté. Puis, ils ont eu du fun à travailler ça. Il avait même sorti un album de Noël il y a à peu près 2 ans. J'avais mis une pièce, il me semble, à l'émission. Et ça donne un disque, A Life Within a Day, qui sonne un petit peu plus, je dirais, Steve Hackett que Chris Squire. Bon, faut pas se faire d'idées trop là-dessus. En fait, c'est sorti, je dirais, au début de l'été, là, à fin du printemps. Et je regardais ça un petit peu de haut, là. Quand on voit Chris Squire, il est capable du pire, du meilleur comme du pire, hein. Il a sorti des belles choses avec Yes, puis son album Fish Out of Water, c'est vraiment quelque chose de bien, mais ça date quand même des années 70. Mais entre-temps, disons que j'avais pas une grosse confiance, mais c'est un disque qui est quand même assez respectable. Marc avait mis la pièce titre il y a quelques semaines, mais cette fois-là, on va entendre une pièce qui s'appelle Tall Ships. On va y aller après ça avec, en gros, là, on va mettre du Rack Overhead et Amanda. On détaille tout ça après. Yeah. expenses for the loan you've loaned. Outwards into eternal sky. Too far away you fall. Too far away to say. We'll be right back. earth will quieten, satellites fall to the sea. Do you believe we would cast it down to the ground? The ground. Thank you. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial. La Barberie. Parce que nous sommes différents. 100 ans, ça se fête en grand. Et c'est ce que la ville de Dosquet vous propose afin de célébrer l'événement. Ville située en plein cœur du comté de Lotbinière, Dosquet pavoise du 24 août au 2 septembre. Au programme, une foule d'activités pour toute la famille avec animation, jeux gonflables et la compétition de coupe de bois avec le champion de la LWC, Jean-Pierre Mercier, le 1er septembre. Sans oublier deux événements musicaux, l'un mettant en vedette le groupe Karma Chameleons, le 24 août, et le second, officié par l'incontournable Yves Lambert et le Bébert Orchestra, le 1er septembre. Le centenaire de Dosquet, des célébrations sous le signe de la souvenance, avec le regard vers l'avenir. Parce que 100 ans, ça se fête en grand. Rendez-vous sur la page Facebook Comité Dosquet pour tous les détails. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Dernier bloc de la dernière émission de Terra Incognita de l'été. Et on a terminé le troisième bloc avec Amanda, un groupe belge, avec une chanteuse à la voix angélique et un sacré beau solo de guitare. Hein. L'album s'appelle Là où Chemin d'or et c'était la pièce titre qu'on a entendue. Ben ça, c'était un petit côté un petit peu hard là, de Overhead, là, qui d'habitude est un petit peu plus... posé que ça. L'album s'appelle Of Sun and Moon et la pièce Aftermath. Et juste avant, le très Genesis Rack, le groupe suisse, avec The Book of Light, la pièce The Great Machine. On avait débuté avec Squawkette, qui sonne quand même assez bien. Et France, je pense que tu as trouvé l'information qui nous manquait tantôt. Oui, pour Peter Gabriel, c'est le 16 septembre. Et je pense que c'est... ils vont recréer le spectacle Saut, hein, qui n'était pas venu à Québec. C'est ça. J'avais vu ça à Montréal. Et comme je disais tantôt à Bruno, il y a des grands bouts, je n'avais pas vu grand-chose. C'est pas parce que j'étais dans un état pitoyable, c'est juste que tout le monde était debout sur les chaises. Et on était plus haut que la scène. Mais pour les bouts que j'avais vus, ça avait été un bon spectacle. Et bon, déjà, dernier bloc, on va y aller avec Cano, un groupe que j'aimais bien moi, dans les années 70, qui a été réédité il y a quand même plusieurs années, puis ça n'a pas été réédité par un label obscur. C'est A&M là, qui a réédité ça, là, en fait, les deux premiers. Et cet été, il a passé une émission qui était quand même pas mal intéressante, France en Putana, c'est toi qui es tombé là-dessus. Oui, tout le monde en parlait. Ben oui, puis on retrace l'histoire du groupe qui est un... En fait, Cano, ça veut dire coopérative des artistes du Nouvel Ontario. Et ces gens-là chantaient en français, en fait, sur les premiers albums. Et le deuxième, qui s'appelle « Au nord de notre vie », qu'on va écouter une pièce, il y a là-dessus deux suites qui sont assez aventureuses. À la poursuite du Nord... une pièce de 10 minutes 55 et Mon pays avec 12 minutes 10. C'est des pièces très aventureuses. À un moment donné, ça vient un petit peu dans le jazz. En fait, le Canot est défini comme un groupe musical franco-ontarien de style folk rock et rock progressif, actif de 75 à 85. Ça vient de Wikipédia. Il y a eu des drames beaucoup qui ont été vécus dans ce groupe-là. Je pense que tu l'as appris à ce moment-là, France. Oui. Un des leaders qui s'appelle André Paiement, qui est sur cet album-là, c'est son dernier, qui s'est suicidé. Et un autre membre plus tard qui est mort dans un accident. Donc ça l'a affecté pas mal le moral des troupes. Et la musique s'en est ressentie un peu. La pièce qu'on va entendre, c'est chez Zébé. C'est une pièce beaucoup plus courte, là, mais qui permet quand même de se familiariser un petit peu avec le type de voix de Rachel Paiement, qui est vraiment superbe. Et moi, je vous conseille fortement, je ne sais pas si c'est encore disponible, ça fait quelques années que c'est hérédité au nord de notre vie, avec une très belle pochette. Et il va y avoir une petite gâterie aussi, en tout cas, c'en est une pour nous autres, Ferenc Torma. Qui est ce monsieur? C'est le guitariste de After Crying. Et l'album s'appelle Pousse Tabac Kialtok. Et la pièce qu'on va entendre, Ogyan Tovab, c'est du hongrois, évidemment. Et on va, juste avant de revenir, on va entendre Ordinary Brainwash. Sorcsom bajon, hogy lehet is úgy, mint rég, itt állok még. Nem ismer két egy szívem, rávártunk mind, minden érte volt. Bíztattan itt, értek minden szót, hozzám szólt. Boldoggá tesz, hogy itt van már, hogy köztünk. Kevés volt minden hitem, megnyílt az ég, éles fény hult ránk. Mindenki félt, de tudtuk, nem kell már várnunk tovább. Boldoggá tesz, hogy itt van már, hogy köztünk. És én tovább megyek. Így van jó, segíts meg. Thank you. horizon couronné de conifères, de nuages fluides. Je vais toujours indienne, sœur de l'héritière. C'est maintenant que son visage devient plus en plus clair et s'imprime dans le silence de mon voyage. Ici meni tu le corpo e le nu, presque étouffé dans les cendres d'une neige morte. Les fleurs sont en feu, j'ai les rosées dans mes yeux. Berce-moi dans tes bras sont la force des pluies qui apportent l'air et morte et l'abandon. Mon bonheur, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Ordinary Brainwash avec un album qui s'appelle Me2.0 et la pièce qu'on a entendue c'est Unbirdy. Et Ordinary Brainwash, mais c'est en fait c'est une personne, c'est un Polonais, et il en serait à son troisième album. Et comme vous avez pu le constater, il y a des petits airs là-dedans de Porcupine Tree un peu là. Je trouve qu'on est un petit peu dans cette mouvance-là. Et les plus perspicaces ont sûrement remarqué qu'il y avait une petite inversion dans les deux premières pièces, c'est-à-dire qu'on a commencé par Ferenc Torma de After Crying et non pas Kano, qui est passé en deuxième. Et l'excellente pièce qu'on a entendue, ça donne peut-être une certaine idée là, de l'album qui, dans ce cas-ci, ressemble beaucoup au premier de After Crying. Mais le monsieur, le guitariste du groupe, s'essaie à toutes sortes de styles aussi. Et bon, ça a l'air que j'ai fait une petite erreur. J'ai erré, comme dirait Bruno, dans mes commentaires et je me suis fait remettre à l'ordre. Le deuxième musicien est mort, il est mort sur scène. Oui, d'après ce qu'on a vu, un malaise, qu'il est décédé subitement. Bon, j'avais retenu qu'il était mort dans un accident et je m'étais trompé, malheureusement. Bon, c'est déjà tout, ou presque. On va y aller avec une petite pièce pour faire la transition avec l'autoroute, c'est-à-dire Kevin Ayers, qui est un transfuge de Soft Machine, qui a fait après ça une très belle carrière qui a duré pendant des années. Moi, ce que j'ai entre les mains, c'est une belle compilation de 4 disques, ça s'appelle Songs for Insane Times, en anthologie 69-1980. Et on va entendre une pièce qui est extraite de son premier album qui s'appelle Town Feeling. Et là-dessus, ben, merci à France pour l'animation et à Bruno, évidemment, pour les sons. La mise en onde et restez à l'écoute pour l'excellente émission L'Autoroute. Today, the town seems like a tomb. Everybody's locked up in his room. Making love or taking love, who cares? If you take a walk out in the street, chances are there's someone you will meet. If it's someone you know, you will say hello and goodbye. Day of the spring, a little girl is playing on her swing. She doesn't know that a brand new show begins. Now you come and tell me that you're sad. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits.